jeunes. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'on est sur un véritable gouvernement de guerre qui a été créé pour, avec notre très cher Emmanuel Macron à la tête, hein, qui a été créé contre quoi et dirigé contre quoi? Contre nos acquis sociaux, que vous avez même enterré il y a quelques jours. Donc, on est vraiment sur la retraite, on est sur l'éducation, sur le service public, on est sur les hôpitaux, on est sur le chômage, on se prend beaucoup d'attention sur la tête. Si on regarde bien chaque réforme, chaque mesure, chaque nouveauté, on est sur la même idée, toujours la même idée. Il ne faut pas croire que tout ça, c'est des petites luttes isolées, c'est pas du tout isolé. Si on fait un petit débrief très très rapide hein, sur la réforme des retraites, ça ouvre quoi? Ça ouvre un marché privé. Un marché privé, donc c'est on donne encore aux riches, toujours aux riches et aux patronats. Donc ça va aussi diminuer les pensions, ça va rallonger le temps de travail, donc c'est la fameuse logique travailler plus pour gagner moins. Donc ce qui se passe, c'est que ça va aussi individualiser les parcours, parce que l'objectif en soi, c'est de faire un marché privé, c'est de faire gagner moins, mais c'est aussi et surtout de c'est une retraite très libérale, hein, qui est de nous diviser le maximum. L'objectif, c'est de diviser. Diviser et de casser toute solidarité, parce que si on divise, toute solidarité est pas possible. Et c'est ça l'objectif. C'est la même chose de la fusion en soi. Parce que qu'est-ce qui va se passer? On va vouloir faire des économies sur notre dos, sur tous les étudiants et de tous les usagers de la fac. Hein. Aussi bien prof, bias, enfin vraiment tout personnel administratif aussi. Et c'est nouveau, c'est la même idée, c'est la même logique. On a une volonté de faire du profit, et ça sans même qui va impacter négativement tous les usagers de la fac. Et ça, sans même penser à tout ce que ça va nous faire à nous. C'est-à-dire que nous, il y a des départements qui vont se supprimer, il y a un nivellement des bourses par le bas qui va se passer, sachant que les loyers de tous vont être nivellés par le haut, sinon, c'est pas marrant. Ce qui va se passer aussi, c'est que. Qu'est-ce qu'il faut? Je perds tout. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une nécessité d'ailleurs de vivre entre grands et grands, d'être soit mobile, soit d'acheter un logement, en tout cas un peu au milieu. Donc, si on est obligé de nous dire que nos frais de transport vont aussi augmenter, il va y avoir des départements qui vont être qui vont soit à Rouen, soit à Caen, mais pas forcément les deux. Et donc, pour bien réancrer cette idée que c'est toujours la même logique, elle est aussi présente dans la RPR, c'est-à-dire qu'on va à nouveau créer un marché de l'éducation, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut voir un peu le monde économique comme des camarades, c'est-à-dire que vraiment, la retraite, c'était un énorme morceau du gâteau qu'ils essayent de morceler et de récupérer pour eux, et surtout pas pour nous. Et donc l'éducation, c'est la même idée. Parce que ce projet de financement, il correspond uniquement aux intérêts patronaux. Ce qui se passe, c'est que la LPPS va ouvrir un marché, donc les financements du projet, il ne sera fait que pour les choses qui correspondent à l'intérêt. Donc ne seront financés les projets. Je vais bientôt couper, bien sûr, pas de soucis. Ne sont financés que les projets qui vont correspondre à l'intérêt. Et donc, ça va aussi multiplier les précaires, il y a moins de place pour les doctorants, etc. etc. Je ne vais pas refaire tout le propos. Mais du coup, les chercheurs on n'aura même plus de profs chercheurs. Et alors que c'est la base même de l'université, avoir des profs qui sont en même temps chercheurs et qui, du coup, peuvent enrichir leurs cours. Et ça, on ne l'aura même plus. Donc, on est vraiment sur un démantèlement des services. Un démantèlement des services publics au profit de quelques-uns. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on doit tous s'unir contre ça, parce que cette création de marché, cette façon de briser tout le système de solidarité, il y en a vraiment assez. Et cette logique, il faut arrêter d'être individualiste comme ça, arriver à être tous ensemble. Il faut qu'on arrive à s'unir, il faut qu'on arrive à s'organiser, il faut qu'on arrive à lutter tous ensemble. Et c'est pour ça qu'on doit être absolument tous en manif, là, à 14h30, voire même qu'on fasse une activité, là j'ai fini, donc deux secondes, une activité bancaire, vraiment littérale, une activité bancaire, je sais pas, on pourrait peut-être, et même écourter la G pour qu'on la fasse tous ensemble. Maintenant, on est tous les mêmes, pas les mêmes bancaires, mais les mêmes logos et qu'on soit identifiés.